guette ma chérie. Mettons-nous vite à l'abri, au chaud sous les couvertures. J'aimerais bien que ça dure, les dieux s'étant accaparés. Notre cher climat tempéré, on ne sait plus à quel vent se vouer dès à présent. Y'a plus de saison, mon amour. Unissons-nous pour toujours. Y'a plus de saison, mon amour. Unissons-nous pour toujours. Puisque le déluge fait rage, les inondations, des ravages, tu trouveras sous mon impère un refuge des plus sincères. Où l'idylle ne dépérit en raison des intempéries. Avant que la pluie nous sépare, la mort enverra ses faire-part. Y'a plus de saison, mon amour. Unissons-nous pour toujours. Y'a plus de saison, mon amour. Unissons-nous pour toujours. La neige peut tomber en mai. Nous on fait tout ce qui nous plaît. Sous prétexte que l'on s'aime, changera-t-on l'écosystème. Qu'un froid de canard en juillet nous expédie sous le duvet. Au diable les effets de serre et réchauffons l'atmosphère. Y'a plus de saison, mon amour. Unissons-nous pour toujours. Y'a plus de saison, mon amour. Si le beau temps pour la Toussaint, dans les cimetières allait bon train, alors je n'achèterai des fleurs que pour ton unique bonheur. Un jour Noël au balcon, ou bien l'autre Pâques au tison. Tous les jours main dans la main, pour moi seront la Saint-Valentin. Y'a plus de saison, mon amour. Unissons-nous pour toujours. Y'a plus de saison, mon amour. Y'a plus de saison, mon amour.